Cette vertu fut appelée patriotisme, et celui-là fut appelé patriote, qui, juste envers les siens, injuste envers les autres, prenait pour des perfections les vices de sa patrie. Et l'illuminisme, en premier lieu, veut ainsi détruire les patries, mais il ne s'arrête pas là, et vise ensuite ce qu'il appelle le localisme, c'est-à-dire la cité, puis la famille elle-même. Et, dès lors, continuait Soapt, pourquoi ne pas donner encore à cet amour de la patrie des limites plus étroites, celles des citoyens vivant dans une même ville, ou bien celles des membres d'une même famille. Aussi vit-on alors du patriotisme naître le localisme, puis l'esprit de famille. Ainsi, l'origine des États, des gouvernements, de la société civile, fut la semence de la discorde. Diminuer, retrancher cet amour de la patrie, et les hommes, de nouveau, apprennent à se connaître et à s'aimer comme hommes. Et l'illuminisme bénit maçonniquement les hommes qui n'ont plus ni patrie, ni cité, ni famille, ni loi, et dont les bandes errantes ne se fixent nulle part. Il conclut enfin, en s'écriant, 10 ans avant 1789, « Oui, les princes et les nations disparaîtront de dessus la terre. Oui, il viendra ce temps où les hommes n'auront plus d'autre loi que le livre de la nature, cette révolution sera l'ouvrage des sociétés secrètes. Tous les efforts des princes pour empêcher nos projets sont pleinement inutiles. Cette étincelle peut longtemps encore couver sous la cendre, mais le jour de l'incendie arrivera. Et comment, par quel procédé, Soapt va-t-il conduire l'illuminisme à son but? Par quelle voie et par quel moyen va-t-il ramener l'humanité à l'état sauvage? C'est surtout ici que se révèle l'illuminisme, et le grand moyen, c'est, en tout et toujours, un profond secret, le mensonge et la trahison expressément ordonnés, ou la violence la plus sauvage, dès qu'elle est devenue possible. L'illuministe peut avoir tous les vices, mais ne doit jamais se montrer en même temps que sous le plus parfait extérieur d'honorabilité et de vertu. Appliquez-vous, prescrit Soapt dans son code, à la perfection intérieure et extérieure. Et qu'entend-il par cette double perfection? Il l'explique suffisamment dans le triple précepte que voici. Tais-toi, sois parfait, masque-toi. Il organise ainsi tout un système de recrutement clandestin et le fait exercer par des frères qu'il appelle du nom significatif de frères insinuants. Il projette aussi un ordre de femmes et il le formule comme il suit. Cet ordre aura 2 classes ayant chacune leur secret à part. La première sera composée de femmes vertueuses et la seconde de femmes légères. De même, il s'ingénie avec le plus grand soin à bien attribuer aux adeptes le rôle qui leur convient spécialement. « Attachez-vous, prescrit-il aux frères insinuants, à des hommes bien faits, beaux garçons. Quand on sait les former, ils sont plus propres aux négociations. Ils ne sont pas de ceux qu'on peut charger d'une émeute ou du soin de soulever le peuple, mais c'est pour cela aussi qu'il faut savoir choisir son monde. Et où va-t-il recruter ses adeptes? Partout, mais surtout dans les mondes où l'on ne se doute pas qu'il puisse en avoir, et il ordonne. Vous devez sans cesse former de nouveaux plans afin de voir comment on peut, dans vos provinces, s'emparer de l'éducation publique, du gouvernement ecclésiastique, des chaires d'enseignement et de prédication. Et comment se fait un adepte? L'adepte prend d'abord un nom secret, approprié à son caractère, et qu'il portera dans l'ordre. Ensuite, on lui fait faire, par écrit, la confession détaillée de toute sa vie, et on garde toujours cette confession écrite, par laquelle on le tient pour l'avenir. Puis, sans qu'il s'en doute, on l'entoure d'espions, appelés frères scrutateurs. Et, Soapt, ici, adresse à ses scrutateurs environ 1500 questions sur les goûts, les relations, la vie, les vices et les moindres habitudes de l'espionné. Il va jusqu'à leur enjoindre de savoir s'il est dormeur, s'il rêve et s'il parle en rêvant, s'il est facile ou difficile à réveiller, et quelle impression fait sur lui un réveil subi. Et quel personnage pourra être dans la vie l'illuministe éprouvé par toutes ces épreuves? Il pourra, stipule le code, avoir l'air de remplir quelques fonctions publiques en faveur de ces mêmes puissances dont la destruction doit être son unique objet. Et Soapt conclut textuellement. Ainsi, tous les membres de ces sociétés tendant au même but, s'appuyant les uns sur les autres, et dont le vœu est une révolution universelle, doivent chercher à dominer invisiblement et sans apparence de moyens violents sur les hommes de tout état, de toute nation, de toute religion, souffler partout un même esprit, dans le plus grand silence et avec toute l'activité possible. Puis il ajoute. Cet empire, une fois établi par l'union et la multitude des adeptes, que la force succède à l'empire invisible. Liez les mains à tous ceux qui résistent, subjuguez, étouffez la méchanceté dans son germe. Écrasez tout ce qui reste d'hommes que vous n'aurez pas pu convaincre. Et quelle physionomie, avec tout cela, Soapt veut-il habituellement, dans le monde et la société, à cet illuministe qui doit si sauvagement travailler à les détruire. Écoutez bien encore. Il aura l'air d'un homme qui ne cherche que le repos et qui s'est retiré des affaires. Eh bien, l'illuminisme correspondait si bien, à l'époque où il apparut, à tout ce qui était le fond de toute la franc-maçonnerie, qu'il absorbait et fondait en lui, de 1780 à 1789, presque toutes les loges du monde entier, et passait pour y compter, dès 1782, environ 3 millions d'adeptes. L'immense majorité, d'ailleurs, ignorait absolument toutes ses instructions et tout ce code de brigand. Elle ignorait encore bien davantage ce qui n'y était même plus écrit. Mais un vaste mouvement d'illuministes n'entraînait pas moins les loges de tous les pays, comme un mouvement maçonnique avait déjà précédemment entraîné la société, et Weishaupt, en 1781, convoqué pour l'année suivante, à Wilhelmsbad, un grand congrès de la franc-maçonnerie universelle, où les délégations arrivaient en masse de France, de Belgique, de Suède, d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, d'Amérique, de tous les points du globe. Est-il exact, comme on l'a dit, qu'on ait arrêté 10 ans avance dans cette tenue de Wilhelmsbad la mise à mort de Louis XVI et presque toute la terreur? On peut affirmer, dans tous les cas, que, 3 ans plus tard, la mort du roi de Suède et celle de Louis XVI étaient décidées dans une tenue de Francfort en 1785, comme l'atteste une lettre du cardinal Mathieu, archevêque de Besançon, rappelé et cité dans la France juive de Drummond. « Il y a dans mon pays, écrit le cardinal Mathieu, à la date du 7 avril 1875, un détail que je puis vous donner comme certain. Il y eut à Francfort, en 1785, une assemblée de francs-maçons où furent convoqués 2 hommes considérables de Besançon qui faisaient partie de l'associé de M. Raymond, inspecteur des postes, et M. maire de Bouligné, président du Parlement. Dans cette réunion, le meurtre du roi de Suède et celui de Louis XVI furent résolus. Messieurs de Raymond et Messieurs de Bouligné revinrent consternés en se promettant de ne jamais remettre les pieds dans une loge et de se garder le secret. Le dernier survivant l'a dit à Monsieur Bourgon. Vous avez pu en entendre parler ici car il a laissé une grande réputation de probité, de droiture et de fermeté parmi nous. Je l'ai beaucoup connu et pendant bien longtemps car je suis à Besançon depuis 42 ans. Ce qu'on sait aussi avec certitude, c'est que la réunion de Wilhelmsbad en 1782 avait un épilogue dans le genre des révélations désespérées du malheureux monsieur le roi. Le comte de Virieux, sur qui les illuministes avaient cru pouvoir compter et qui avait fait partie de la délégation française, revenait terrifié du congrès, déclarait quitter la secte et disait au baron de Gillier « Je ne vous révélerai pas ce qui s'est passé. Ce que je puis seulement vous dire, c'est que ceci est autrement sérieux que vous ne pensez. La conspiration qui se trame est si bien ourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » Marquis Costa de Beauregard, le roman d'un royaliste, souvenir du comte de Virieux, page 44. Et le comte de Virieux n'était pas le seul terrifié par ces assises et qui se retirait alors de la maçonnerie avec épouvante. D'autres faisaient comme lui, et le marquis Costa de Beauregard raconte, dans le roman d'un royaliste, la fin tragique d'un de ceux-là, du vicomte de Wall, ami des Virieux et des Rohan Chabot. Le vicomte de Wall reçoit un jour une lettre à laquelle il se trouble, déclare qu'il s'agit d'un rendez-vous à Fontainebleau, s'y rend, et s'y rencontre, en effet, avec des individus qu'on devine allemands à leur façon de parler. Puis, on déjeune, on part pour la forêt, et personne n'en revient. Fatigué d'attendre, le cocher du vicomte, au bout de 4 jours, retourne seul à Paris, et le chien d'un garde, quelques semaines plus tard, découvrait sous un tas de feuilles sèches, dans un fossé de la forêt, un cadavre enveloppé dans un manteau. C'était celui de M. de Boulle. Enfin, c'est également encore à cette époque que l'écrivain Cazotte, qui avait appartenu aux illuministes français, faisait un soir, dans un dîner, cette soi-disant prophétie dont la réalisation devait, évidemment, comporter une part de coïncidence, mais qui était aussi, avant tout, comme celle de Cagliostro, et sans aucun doute possible, de l'information anticipée. Il disait aux convives qui s'en amusaient beaucoup, 3 ou 4 ans avant 1789, « Vous, monsieur Bailly, et vous, monsieur de Malesherbes, vous mourrez sur l'échafaud. Vous, madame, on vous conduira en charrette, les mains liées derrière le dos, à la place des exécutions. Mais, monsieur le prophète, lui répondait en riant la duchesse de Gramont, ne me laisserez-vous pas au moins un confesseur? Non, madame, non, lui répondait Cazotte énigmatique, non, vous n'en aurez pas, et le dernier supplicié qui en aura un, ce sera le roi. Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, livre 1, chapitre 3, Les révolutionnaires mystiques. Nous voici donc arrivés à la Révolution même, à cette série de journées tragiques que les historiens n'expliquent pas, mais que nous allons peut-être, à présent, voir s'expliquer à la lumière des loges. Quel est, en France et à Paris, à la veille même de 1789, l'état de la franc-maçonnerie? Nous constatons ici un certain nombre de faits d'une importance capitale. Premier fait. La statistique même des loges en 1787 que nous fournit Baruel et que voici. En France seulement, le tableau de la correspondance du grand maître, le duc Philippe d'Orléans, ne nous montre pas moins de 282 villes ayant chacune des loges régulières. Dans Paris seulement, on en compterait 81, 16 à Lyon, 7 à Bordeaux, 5 à Nantes, 6 à Marseille, 10 à Montpellier, 10 à Toulouse, et le même tableau des correspondances, imprimé pour l'usage des frères, nous montre dirigé par le même grand maître les loges de Chambéry en Savoie, de Locle en Suisse, de Bruxelles dans le Brabant, de Cologne, de Liège, de Spa. Et toutes ces loges sont reliées les unes aux autres. Un seul mot d'ordre, lancé de Paris, est porté à toutes, où chaque vénérable est engagé par serment à le faire exécuter. C'est la centralisation maçonnique précédant la centralisation révolutionnaire et manœuvrant déjà comme un immense mécanisme. Second fait. Nous trouvons, dans les loges de Paris, tous les hommes que nous retrouvons deux ou trois ans plus tard dans les clubs, les émeutes, les comités, les journaux et les assemblées. C'est la loge des Neuf Sœurs, où nous voyons Condorcet, Brissot, Garat, Bailly, Camille Desmoulins, Fourcroix, Danton, Chénier, Lamétrie, Chamfort, Rabault-Saint-Étienne. C'est la loge La Candeur, où nous rencontrons Lafayette, les frères Lamette, Laclos, Sillery, le duc d'Aiguillon, et le fameux docteur Guillotin. Ce sont encore d'autres loges où nous rencontrerons également Fauché, Seyès, Dongerle, Carat, Chabot, Pétion, Barnave, Guadet, Mirabeau, Duport, Pastoret, Marat, Robespierre et, avec eux, une quantité considérable de grands seigneurs, le duc de La Rochefoucauld, le prince de Broglie, le comte de Castellane, le comte d'Aumont, le vicomte de Noailles, le comte de Pralin, le marquis de Montalembert, le vicomte de Damas, le comte de Montmorin, tous aussi, un peu plus tard, joueront le rôle le plus en vue au début du drame révolutionnaire. Troisième fait, toutes ces loges, à Paris et dans toute la France, ont été illuminisées par l'intermédiaire de la loge Les Amis Réunis, installée rue de la Sourdière et présidée par Savalette de l'Ange. Ce Savalette de l'Ange est garde du trésor royal de Louis XVI, mais se révéla ensuite, lorsque le moment sera venu, subitement terroriste. Sous ce Grand Orient, une loge plus spécialement chargée de la correspondance étrangère était, à Paris, la loge appelée Les Amis Réunis. Se distinguait surtout le fameux révolutionnaire Savalette de l'Ange. Cet adepte, chargé de la garde du trésor royal, c'est-à-dire honoré de toute la confiance qu'aurait pu mériter le sujet le plus fidèle, était en même temps l'homme de tous les mystères, de toutes les loges et de tous les complots. Pour les réunir tous, il avait fait de sa loge le mélange de tous les systèmes sophistiques, martinistes et maçonniques. Mais pour en imposer davantage au public, il en avait fait aussi, en quelque sorte, la loge des plaisirs et du luxe de l'aristocratie. Une musique mélodieuse, les concerts et les bals y appelaient les frères du haut parage. Ils y accouraient en pompeux équipage. Les alentours étaient munis de gardes pour que la multitude des voitures ne causât point de désordre. C'était en quelque sorte sous les auspices du roi même que ces fêtes se célébraient. La loge était brillante, les Crésus de la maçonnerie fournissaient aux dépenses de l'orchestre des flambeaux, des rafraîchissements et de tous les plaisirs qu'ils croyaient être le seul objet de leur réunion. Mais, tandis que les frères, avec leurs adeptes femelles, ou dansaient ou chantaient dans la salle commune, les douceurs de leur égalité et de leur liberté, ils ignoraient qu'au-dessus d'eux était un comité secret, où tout se préparait pour étendre bientôt cette égalité au-delà de la loge, sur les rangs et les fortunes, sur les châteaux et les chaumières, sur les marquis et les bourgeois. Baruel, Mémoire, tome 5, chapitre 11. Toutes ces loges avaient donc bien pour mot d'ordre l'une des prescriptions maîtresses du code illuministe. Le frère illuministe pourra avoir l'air de remplir quelques fonctions publiques en faveur de ces mêmes puissances, dont la destruction est son unique objet. Quatrième fait, et qui est peut-être le plus saisissant. Une modification capitale est introduite à cette époque dans le recrutement maçonnique. Les loges, jusque-là, ne s'affiliaient que des hommes d'un certain rang, des nobles, des artistes, des écrivains, des négociants, des bourgeois ou même des petits bourgeois, mais ne descendaient jamais plus bas. D'un coup, en 1787, elle s'affilie des crocheteurs, des portefaix, des rôdeurs, des flotteurs de bois, des tapes dures et toutes sortes de brigands de rue ou de grands chemins, d'assassins et de malfaiteurs de profession. Subitement aussi, on reçoit en masse, par ordre du grand maître le duc d'Orléans, des multitudes de gardes françaises et leurs officiers francs-maçons de longue date quittent même alors les loges pour ne pas s'y rencontrer sur le pied de l'égalité avec leurs subordonnés. Ainsi, la franc-maçonnerie au dernier degré de l'extension, de la puissance et de la centralisation, les loges de Paris réunissant les hommes qui seront tous également ceux de la Révolution, ces loges ralliées à l'illuminisme qui poursuit, par la conjuration, le retour à l'état sauvage et la destruction des nationalités. Enfin, les bandits et les assassins de métier, tout à coup recrutés comme frères, de même qu'un grand nombre de soldats, voilà exactement où nous en sommes au moment où vont se succéder, avec une précipitation et une rapidité sans précédent, comme les tableaux machinés d'un opéra, l'apparition du club des Jacobins, la prise de la Bastille, les incendies des châteaux, les paniques de la province, les journées d'octobre, le 20 juin, le 10 août, les massacres de septembre, puis l'emprisonnement du roi, sa condamnation et sa mort. Et d'abord, le club des Jacobins, qu'est-ce exactement que le club des Jacobins ? Le club des Jacobins, avec son club central à Paris et ses clubs correspondants de la province, c'est la franc-maçonnerie elle-même, avec ses 282 villes déjà fédérées en loges. Le club tenait-il vraiment, par une intention mystérieuse, à s'appeler le club des Jacobins, et choisissait-il, à cet effet, l'ancien couvent des Jacobins, parce que les premiers francs-maçons de France avaient été des jacobites? Ce n'est peut-être là, encore une fois, qu'une coïncidence, mais la coïncidence existe. Jacobite, jacobin. Quant au statut, au règlement, aux usages, comme à certaines particularités du vocabulaire, le club des Jacobins reproduit rigoureusement la franc-maçonnerie. C'est le même mode d'admission, la même organisation intérieure, les mêmes ramifications extérieures, les mêmes engagements imposés et pris, le même système mécanique de transmission d'ordre et de mots d'ordre. Dans certains cas, on l'a vu, la maçonnerie vous déclarait suspect, et ce terrible mot de suspect, sous la Révolution, partira des Jacobins. Un autre usage des loges, nous l'avons déjà vu aussi, était de déclarer la maçonnerie en danger, et les Jacobins y déclareront la patrie. Un autre usage encore, en maçonnerie, était de coiffer le récipiendaire d'un bonnet, et l'usage aux Jacobins sera de mettre le bonnet rouge. Voilà donc déjà les Jacobins expliqués autrement que par la force des choses et par la spontanéité. Passons maintenant au 14 juillet, aux paniques, aux massacres et à la mort du roi. Le 14 juillet, raconte Louis Blanc, un inconnu, à la pointe du jour, se présentait au barreau de Besenval. « Monsieur le baron, lui dit-il d'une voix brève, aujourd'hui les barrières seront brûlées. N'essayez pas de l'empêcher, vous sacrifieriez des hommes sans éteindre un flambeau. » Louis Blanc, Histoire de la Révolution française. Et tout se passait, en effet, comme l'avait dit l'inconnu. Brusquement, toutes les barrières flambent, des bandes sortent de différents côtés, toutes avec la même cocarde, les soldats quittent en masse leur garnison, et tout le monde crie « à la Bastille ». En même temps, Paris est soudainement dépavé, couvert de barricades, entouré d'une ceinture d'incendie, et la Bastille est prise d'assaut, ses défenseurs sont massacrés, son gouverneur assassiné, à la stupéfaction du public dont l'immense majorité ne comprit absolument rien à cette foudroyante surprise. Après le 14 juillet, il se produit simultanément d'un bout du royaume à l'autre, à l'est, à l'ouest, au nord, au midi, dans des localités séparées les unes des autres par 150 et 200 lieues, une extraordinaire épidémie d'épouvante, dont le récit le plus circonstancié et le plus dramatique est celui de M. Finck Brintano dans son livre « Les brigands ». Une rumeur effrayante, raconte M. Finck Brintano, se répandit sur tous les points du territoire. Les brigands, disait-on, arrivent. Ils pillent les demeures, incendient les récoltes, égorgent les femmes et les enfants. Dans certaines provinces, celles de l'ouest que baigne la mer, ce ne fut pas l'arrivée des brigands qui fut annoncée, mais une invasion anglaise. Les Anglais, disait-on, s'avançaient dans le pays, pillant, saccageant, égorgeant. En Dauphiné, on parla d'une invasion de Savoyards. En Lorraine et en Champagne, c'était des reîtres et des lansquenets d'Allemagne qui avaient franchi la frontière, féroces comme au temps des guerres de religion. À Angoulême, on annonce l'arrivée de 15 000 bandits. À Saint-Étienne-de-Forêt, on en annonce 4 000. À Libourne, l'effroi propagé est tel qu'on renforce les milices. Dans le Limousin, on répand subitement le bruit que tous les bourgs et toutes les villes sont en feu. Dans l'Orléanais, les paysans sont tellement affolés qu'ils s'arment tous de faux et de fourches et s'enfuient de tous les côtés. Et pas une contrée, pas une ville, pas une localité n'échappe à ce cri subi, poussé dans les 36 heures, sur tous les points du territoire. Les brigands, ou les Anglais, ou les Savoyards, ou les Allemands. Partout, au même moment, la France est tout entière affolée, terrifiée, tordue d'épouvante, par un cri qui part comme d'une seule bouche, par un procédé identique sur toute la surface du pays. Et les assassinats de Foulon et de Berthier. Écoutons encore Louis Blanc. Le 20 juillet, Foulon est à la campagne, chez M. de Sartine, à Véry, près de Fontainebleau. Il avait laissé l'ordre qu'on lui envoyât ses lettres. Mais la haine qui poursuivait Foulon était tellement répandue qu'au lieu de lui remettre les lettres, on courut les porter au syndic du village. Aussitôt, le tocsin sonne. Les paysans accourent, Foulon est découvert et est arrêté. Ici, on ne peut vraiment pas ne pas faire une réflexion. Même en 1789, pour qu'on arrête aussi résolument, avec autant de méthode, de décision, de calme et de diligence, un homme contre qui aucune espèce de mandat n'est lancé, il faut un peu plus qu'une haine vague, si forte qu'on la suppose. Il faut un ordre occulte. Existait-il donc un ordre occulte lancé contre Foulon? Et qui donc l'avait lancé? Mais poursuivons. Foulon, qui a 74 ans, est attaché derrière une charrette, amené à Paris, et là, continue Louis Blanc, vers 6 heures du matin, il montait les marches de l'hôtel de ville. Ce fut un grand sujet de trouble pour les membres du comité permanent, et le comité décide qu'il sera transporté secrètement à l'entrée de la nuit dans les prisons de l'abbaye Saint-Germain. Mais par un phénomène à noter, l'arrestation de Foulon est instantanément connue de tout Paris. Et Louis Blanc poursuit. La place de Grève ne tarda pas à se couvrir de groupes que paraissaient excités des personnages d'un extérieur élégant, des hommes du monde. On se mit à crier « Foulon, Foulon, nous voulons voir Foulon ». À l'aspect de ce visage, que la vieillesse marquait de son empreinte, la foule se calma, et déjà elle semblait penchée vers la pitié. Lorsque tout à coup un cri s'élève, qu'on l'amène et qu'il soit jugé. Au même instant, une bande de furieux pénètre dans l'hôtel de ville, les sentinelles sont culbutées, les barrières brisées, la salle du comité permanent est envahie. Et Foulon est d'abord martyrisé, puis pendu, puis abominablement mutilé, non par la foule, mais au contraire, malgré la foule, et par un petit groupe de frénétiques qui ont toutes les apparences d'être des frénétiques professionnels. Et Berthier, arrêté, supplicié et massacré le même jour, son cas est peut-être encore plus concluant. Berthier est à Compiègne et y traverse tranquillement une rue, quand deux maçons sautent d'un échafaudage, le saisissent et déclarent qu'ils ont l'ordre de l'arrêter. Puis, il est aussi ramené à Paris, où une charrette, préparée d'avance, l'attend à la barrière avec des inscriptions infamantes. Il est ensuite égorgé dans des conditions encore plus horribles que Foulon. Eh bien, dans cette prise de la Bastille, dans cette terreur répandue en même temps, et comme mécaniquement, dans toute la province, dans les arrestations et les supplices du malheureux Foulon et du malheureux Berthier, est-ce que nous ne sentons pas quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui rien pourrait expliquer? Si, et les choses s'éclaircissent déjà, pour les paniques de la province, quand on veut bien seulement se rappeler les 282 villes reliées en loge sur tous les points de la France. Ensuite, et pour tout le reste, comme pour les paniques elles-mêmes, l'énigme se dévoile entièrement, sans qu'il en reste une ombre, en lisant les souvenirs de Bertrand de Molleville, qui avait été ministre de Louis XVI. On n'a absolument plus rien à apprendre après la page révélatrice que voici. Mirabeau était aussi initié dans le secret des factions secondaires et tous ces mystères, dont la connaissance donnait la clé de plusieurs événements importants, qu'on avait jusqu'alors attribués au hasard, furent dévoilés non seulement à M. de Montmorin, mais au roi et à la reine dans plusieurs entretiens secrets que leur majesté eurent avec Mirabeau lui-même. Il leur apprit, entre autres choses, que le système de la terreur qui a réellement opéré la révolution avait pris naissance dans la faction philanthropique. Ces comités se tenaient tantôt chez les ducs de La Rochefoucauld, tantôt dans la petite maison du duc d'Aumont près de Versailles. Adrien Duport était admis dans les conciliabules les plus secrets de cette faction philosophique, s'était chargé de la rédaction des plans et lut un mémoire. Après de longues discussions sur ce mémoire, M. de Lafayette prit la parole et dit à Adrien Duport « Voilà sans doute un très grand plan, mais quels sont vos moyens d'exécution ?» En connaissez-vous qui soit capable de vaincre toutes les résistances auxquelles il faut s'attendre? Vous n'en indiquez aucun. Il est vrai que je n'en ai point encore parlé, répondit Adrien Duport en poussant un profond soupir. J'y ai beaucoup réfléchi, j'en connais de sûrs, mais ils sont d'une telle nature que je frémis moi-même d'y penser. après que l'assemblée, dont il avait ainsi excité la curiosité, lui eut donné toutes les assurances qu'il désirait, il feignit encore d'hésiter à s'expliquer. « Je n'oserai jamais, reprit-il sur le ton le plus hypocrite, vous proposer des moyens qui blesseront votre humanité. Cependant, si vous l'exigez absolument, oui, oui, nous l'exigeons. Eh bien, messieurs, je vais vous obéir. Des événements imprévus nous ont précipités, malgré nous, dans une révolution qui produira les plus grands crimes. Elle est trop avancée pour qu'on puisse rétrograder. Or, ce n'est que par les moyens de terreur qu'on parvint à se mettre à la tête d'une révolution. Il faut donc, quelque répugnance que nous y ayons tous, se résigner au sacrifice de quelques personnes marquantes. » Et il fit pressentir que Foulon devait naturellement être la première victime parce que depuis quelque temps, disait-il, on parlait beaucoup de lui pour le ministère des Finances et que tout le monde était convaincu que sa première opération serait la banqueroute. Il désigna ensuite l'intendant de Paris, Berthier. « Il n'y a qu'un cri, dit-il, contre les intendants. Ils pourraient mettre des grandes entraves à la révolution dans les provinces. Monsieur Berthier est généralement détesté. On ne peut pas empêcher qu'il soit massacré. Son sort intimidera ses confrères. Ils seront souples comme des gants. » Le duc de La Rochefoucauld fut très frappé des réflexions d'Adrien Duport et finit, comme tous les autres membres du comité, par adopter le plan et les moyens d'exécution qu'il proposait. Des instructions conformes à ce plan furent données aux principaux agents du département des insurrections, qui étaient déjà organisés. Bertrand de Molleville, Histoire de la Révolution, tome 4. Or, précisément, quelques jours après, on incendiait les barrières de Paris, on prenait la Bastille, on massacrait Delaunay, on massacrait Flessel, on massacrait Foulon, on massacrait Berthier, on répandait en une semaine la panique dans toute la France. Il est juste de rappeler ici que le duc de La Rochefoucauld, évidemment abusé, comme tous les grands seigneurs de cette époque, sur ce que les loges se réservaient de faire dans leurs arrières secrets, s'opposa, avec le plus rare courage, dès 1791, à tous les crimes qui suivirent les premières violences de 1789. On sait comment il fut massacré en province, après avoir donné sa démission de l'Assemblée. Il mourut évidemment victime de ces mêmes loges dont il avait fait partie, et qui frappaient, en lui, l'adepte qui avait refusé de les suivre jusqu'au bout. Lire Les gentilshommes démocrates par le marquis de Castellane, Paris, plomb nourri. Et qu'était, exactement, cette faction que Bertrand de Molleville désigne sous ce nom de faction philanthropique. Cette faction rentrait elle-même dans un club qui s'intitulait Club de la propagande et sur lequel la note ci-après, publiée dans l'ouvrage Les sociétés secrètes et la société, par le père Deschamps, était retrouvée un jour dans les papiers du cardinal de Berny. Liste des honorables membres qui composent le Club de la propagande. Ce club a pour but, comme chacun sait, non de consolider la révolution en France, mais de l'introduire chez tous les autres peuples de l'Europe et de culbuter tous les gouvernements actuels établis. Et la note donne une longue suite de noms où nous retrouvons notamment le duc de La Rochefoucauld, le duc d'Aumont, Lafayette, Mirabeau, Adrien Duport, Garat, Condorcet, Clavière, Barnave, Chapelier, Pétion, les frères Lamette, Hérault de Séchelles, Robespierre, Fournier l'Américain, Boy irlandais, de Saint-Sévéranda espagnol, Verne, Suisse, l'abbé Grégoire, Barère, l'abbé Fauché, Germain, Beaufort de Necker. Le père Deschamps, Les sociétés secrètes et la société, tome 1, page 546. Tous ces noms sont les noms mêmes des loges du monde entier, depuis celle de Paris jusqu'à celle d'Amérique, en passant par celle de Suisse, d'Irlande et d'Espagne. C'est le syndicat parisien de la franc-maçonnerie universelle et qui met en pratique, par la terreur, le précepte illuministe. Que la force succède à l'empire invisible, écrasez tout ce qui reste d'homme que vous n'aurez pas convaincu. L'étincelle peut couver longtemps sous la cendre, mais le jour de l'incendie arrivera. Le jour de l'incendie était arrivé. Et si, après tout cela, on pouvait encore avoir un doute sur l'état de collaboration régulière où se trouvaient les chefs de la conjuration maçonnique avec les incendiaires et les assassins de profession, il faudrait encore lire ses souvenirs de Baruel. J'en suis fâché, mais je ne puis le taire. Les honnêtes francs-maçons en frémiront, mais il faut bien qu'ils sachent à quel monstre leur loge avait été ouverte. Dans tout moment d'émeute, soit à l'hôtel de ville, soit au Carme, les vrais signes de ralliement, le vrai moyen de fraterniser avec les brigands, étaient les signes maçonniques. Dans l'instant des massacres même, les bourreaux tendaient la main en francs-maçons à ceux des simples spectateurs qui les approchaient. J'ai vu un homme du bas peuple qui m'a lui-même répété la manière maçonnique dont les bourreaux lui présentaient la main. et il fut repoussé par eux avec mépris parce qu'il ne savait pas répondre, tandis que d'autres plus instruits étaient au même signe accueillis d'un sourire au milieu du carnage. J'ai vu même un abbé que ce signe maçonnique sauva des brigands de l'hôtel de ville. Il est vrai que sa science maçonnique lui eût été inutile dans son déguisement, car les brigands auxquels il avait échappé le recherchèrent quand on leur dit que c'était un abbé. Il est vrai encore que le signe maçonnique eût été fort inutile aux frères reconnus pour ce qu'on appelait des aristocrates. Mais les abbés et les aristocrates maçons ne pouvaient que mieux y reconnaître combien ils avaient été dupes de la fraternité des arrières secrets. Baruel, Mémoire, tome 5, chapitre 12. Quelques-uns de ces brigands habituellement soudoyés pour l'insurrection du jour se retiraient chez eux sur les 10 et 11 heures du soir. J'entendis leurs adieux, ils se les faisaient hautement en ces termes. « Ça n'a pas mal été aujourd'hui. Adieu donc. Mais nous comptons sur toi demain. »« Oui, demain. À quelle heure ?»« À l'ouverture de l'assemblée. » »« Chez qui l'ordre ?»« Mais chez Mirabeau, Chapelier ou Barnave à l'ordinaire. » Jusqu'à ce moment, j'avais douté de l'audience que ces législateurs donnaient chaque jour aux brigands. Baruel. Il faut abréger, mais toute la Révolution, ou presque toute la Révolution, et dans la Révolution, presque toute journée révolutionnaire, s'explique ainsi par une permanente conjuration d'éloges, où rien n'est aussi complètement absent que la spontanéité et où les deux moyens de machination, selon les prescriptions exactes de Weishaupt, ne cessent jamais d'être, un seul instant, la trahison la plus prodigieusement répandue et la plus sauvage violence. Les faits de trahison rempliraient des volumes. Quoique servis encore par quelque fidélité admirable, comme par celle de Mandat qui ne fut certainement massacré que parce qu'il était fidèle, le roi et la reine étaient, en réalité, tout entourés et tout enveloppés de traîtres. C'est ce Savalette de Langres, si judicieusement placé à l'emploi de garde du trésor royal. C'est le ministre Necker que toute une conspiration en règle impose à Louis XVI, et qui n'est mis là que pour le perdre. C'est cette femme Rochereuil qui joue, avec tant de démonstrations larmoyantes, afin de se faire attacher de plus près à sa personne, et qui vient dénoncer en secret, au comité des recherches, tous les préparatifs de la fuite à Varennes. C'est Madame Necker elle-même, la femme du ministre en fonction, et qui écrit à son frère, le franc-maçon Germain, au moment des massacres d'octobre, pendant lesquels les bandes des massacreurs envahissent le château de Versailles pour y tuer le roi et la reine. « Soyez tranquille, tout ira bien. » Maruel, Mémoire, tome 5, pages 125 et 126. Et il s'agit, en effet, de tuer le roi, tout a toujours été là. Mais le meurtre du roi n'est pas encore facile, il est encore trop défendu par l'air et la terre, même du royaume. Néanmoins, on y arrivera, et c'est une question d'entraînement. Et les loges s'en chargent. Elles ont toujours tout réglé, dès 1789, depuis ce 17 juillet où Louis XVI, à son arrivée à l'hôtel de ville, avait déjà vu un bataillon former au-dessus de sa tête ce que le rituel maçonnique appelle la voûte d'acier, et elles régleront tout, jusqu'à l'exécution, qui sera encore elle-même la réalisation d'un autre rite. Elles font ainsi le 5 et 6 octobre, où le roi échappe, puis le 20 juin, où il échappe encore, puis le 10 août, où il n'échappera plus, mais où il s'en faut de peu. Il s'en faut même de si peu que la Révolution, qui écrase enfin le roi, manque, ce jour-là, d'être écrasée par lui, et un témoignage capital, que pas un historien n'a relevé, mais qui semble des plus sérieux, doit être signalé ici. Que Louis XVI n'eût pas envoyé de l'Assemblée l'ordre de cesser le feu aux défenseurs des Tuileries, et il n'est plus douteux, aujourd'hui, que la Révolution était perdue. Au lieu d'être ce qu'elle est devenue, elle n'eût plus été qu'une crise comme on avait déjà traversé la monarchie. Que Louis XVI, d'ailleurs, ait pu envoyer cet ordre qui était sa perte certaine à la minute précise où sa victoire ne pouvait plus faire de doute, personne ne l'a jamais compris. Napoléon, qui a assisté à l'affaire, en était encore confondu d'étonnement à Sainte-Hélène. Il en poussait encore une exclamation de stupeur, quand il pensait dans son île, et c'est surtout ici que les historiens, pour expliquer l'inexplicable, en appellent tous à des raisons mystiques, or, d'après le témoignage du député Choudieu, plus tard conventionnel et régicide, témoignage que contiennent ses mémoires récemment publiés, il est permis de croire que Louis XVI n'a jamais donné l'ordre qui tua ce jour-là la monarchie française, et que non seulement il ne l'a pas donné, mais qu'il refusa même, par son geste, d'ordonner autre chose que la résistance à outrance. Et Choudieu, en effet, déclare solennellement. Le roi n'a point dit en entendant le premier coup de canon, j'avais défendu de tirer. Et je puis attester au contraire que je l'ai vu saisir le fusil d'un de nos grenadiers qui était de faction à la porte de la loge du logographe. Il se croyait si sûr de la victoire. Je venais de rentrer dans l'assemblée, et placé près de la tribune, en face de la loge du logographe, je puis assurer que personne ne s'est approché du roi, et que ni M. d'Hervilly, ni qui que ce soit, n'a pu recevoir l'ordre de faire cesser le feu. Victor Barucan, Mémoires et notes de Choudieu, page 148, Paris, Plan Nourri, 1897. Mais cet ordre de cesser le feu, peut-on cependant objecter, se trouve au musée Carnavalet, écrit de la main même du roi. Eh bien non, il ne s'y trouve pas, et le seul ordre qu'on puisse y voir, non pas écrit de la main de Louis XVI, mais simplement signé de lui, c'est l'ordre donné aux Suisses survivants, une fois l'affaire terminée, et quand il n'y avait plus rien à espérer, de déposer leurs armes et de se retirer dans leur caserne. Et qui donc, en ce cas, venait ainsi, en pleine lutte, apporter l'ordre de ne plus tirer et l'apporter au nom du roi, aux défenseurs qui ne pouvaient en croire leurs oreilles? Qui donc, dans un semblable moment, et quand un ordre pareil, en raison de son invraisemblance, ne pouvait être cru qu'à la condition d'être apporté par un de ses serviteurs qu'on n'a pas le droit de suspecter? Qui donc pouvait être ce serviteur-là? Est-ce M. d'Hervilly? Est-ce un autre? On ne peut rien dire. Mais il y avait déjà un savalet de l'ange à la garde du trésor. Comment ne pas supposer qu'il y en avait d'autres ailleurs, et que l'ordre dont la monarchie est morte a été traîtreusement et faussement donné par un de ceux-là? Comment, dans tous les cas, puisque nous avons l'ordre signé de déposer les armes après la lutte, n'avons-nous pas celui de cesser de défendre en pleine action? Et que va-t-il se passer ensuite pour la personne même du roi? L'assemblée est dominée par la franc-maçonnerie, mais n'est pas la franc-maçonnerie elle-même, et n'a jamais voté, comme on le croit, et comme on nous l'a toujours faussement enseigné, l'emprisonnement du roi au temple. Non, elle vote qu'il logera au Luxembourg. Mais la commune insurrectionnelle est là, clandestinement nommée par les loges pendant la nuit. Elle déclare le Luxembourg difficile à garder, propose le palais du temple, et où met-elle le roi dès l'arrivée au temple? Dans le palais, qui est un séjour princier et l'un de ceux du comte d'Artois. Non, la tour. L'assemblée, en fait, a cru voter le palais, mais un pouvoir occulte, plus fort qu'elle, se moque de son vote, et, contrairement à ce vote, met le roi dans la prison, et dans la prison même des anciens templiers. J'ai le nôtre, Marie-Antoinette, page 31 et suivante, Paris Perrin. Et que se passe-t-il à ce moment même? Il se passe cette chose étrange, rapportée par Baruel, qui l'a vu, et qui nous dit ce qu'il a vu, c'est qu'aussitôt le séjour du roi au temple décidé, un grand nombre de francs-maçons se répondent dans Paris, écrit partout, à la stupeur générale, en se livrant à des transports de joie, le roi est arrêté, tous les hommes sont maintenant égaux et libres, nous n'avons plus de secrets, nos mystères sont accomplis, la France entière n'est plus qu'une grande loge, les Français sont tous francs-maçons et l'univers entier le sera bientôt. Baruel, Mémoire. Le meurtre même du roi, cependant, n'est pas encore accompli, mais il va l'être et dans des conditions identiques à celles de l'emprisonnement. Car jamais, contrairement à tout ce qu'on nous a toujours appris, jamais la Convention elle-même n'a voté la mort de Louis XVI. Dans un article publié par la revue de la Révolution et resté malheureusement trop peu répandu, comme tout ce que les partisans de l'ordre devraient, au contraire, répandre à profusion, un homme dont les travaux et les recherches sur la question considérable depuis déjà 20 ans, M. Gustave Borde, relève, un à un, tous les votes des membres de l'Assemblée et le vote de la mort par la majorité, d'après les chefs mêmes du Moniteur, n'a jamais été qu'un mensonge. Revue de la Révolution, tome 3, 1885, La vérité sur la condamnation de Louis XVI. Le roi de France, en réalité, n'a jamais été condamné qu'à Francfort. Jamais, si stupéfiant que cela semble, ce vote de mort n'a réellement existé. Jamais il n'a été qu'un vote inventé, fabriqué, et en voici la preuve, telle que l'on ne peut pas la contester. Pour siéger et voter à la Convention, pour faire partie du tribunal qu'elle prétendait constituer, il fallait 3 conditions. Être âgé de 25 ans, français, et avoir été inscrit comme représentant. Or, parmi les votants qui votent la mort, on en trouve un qui n'a pas 25 ans, un autre qui n'est pas français, 5 autres qui ne sont pas inscrits. Saint-Just est né le 25 août 1769 et n'a que 23 ans et demi. Le journaliste Robert est belge, non naturalisé, et les votants Ourier-Éloi et Dufestel de la Somme, Bertrand de Lostiesnière de l'Orne et Liquino du Morbihan ne sont pas inscrits comme députés. En outre, et la fraude devient encore ici plus grossière, les départements, à cette époque, en même temps que des députés, nommaient des suppléants destinés à les remplacer, mais qui ne pouvaient et ne devaient voter, bien entendu, que dans les cas où les députés ne votaient pas. Or, le député Lantenas, élu par la Haute-Loire, vote comme représentant du Rhône-et-Loire. Et pourquoi? Uniquement afin de permettre à son suppléant de voter à sa place comme suppléant de la Haute-Loire, et de pouvoir s'attribuer ainsi, pour voter la mort, deux voix au lieu d'une, sans aucun droit, sans aucune espèce de motif. De même, Barras vote la mort comme suppléant de Dubois-Crancé, porté député du Var. Or, Dubois-Crancé n'était pas encore député du Var à cette époque, et Barras, par conséquent, vote comme suppléant d'un député qui n'existe pas. Et il n'est pas le seul suppléant qui agit ainsi. Le suppléant Pinet de la Dordogne et le suppléant Monod du Doubs votent de la même façon. Ils votent de leur chef en ne suppléant personne. Enfin, trois conventionnels, Ducos, Salicetti et Garnier, s'étaient récusés d'eux-mêmes comme juges au début du procès. Mais l'heure du vote arrive, le vote s'annonce comme douteux, et ils viennent alors voter quand même, ils viennent voter la mort. Combien donc, en négligeant d'ailleurs quantité d'autres forfaitures, constatons-nous de voix qui sont simplement de fausses voix? Nous en constatons 14. Et à combien de voix la mort était-elle officiellement votée? À une voix de majorité. La majorité absolue était de 361 voix, et le vote pour la mort réunissait 361 voix. La Convention, en réalité, l'avait donc bien elle-même repoussée, et par 13 voix de majorité, mais n'osait plus protester contre une condamnation non prononcée que la législative n'avait osé réclamer contre un emprisonnement non voté. Et ainsi, de même que l'ordre de cesser le feu est apporté sans avoir jamais été donné, de même que l'emprisonnement est décidé par un pouvoir qui n'a jamais été législatif, et contrairement au vote de la législative, la mort est également décidée par un pouvoir qui n'a jamais été la Convention, et contrairement au vote de la Convention. Et quel est ce pouvoir? Un membre de la commune insurrectionnelle elle-même va nous le dire, le municipal Gorée, qui déclare en toutes lettres, dans une relation écrite, qui avait fait prendre toutes ces précautions. Je l'ignore, je ne les ai pas entendus délibérer dans le conseil, et j'ai toujours pensé qu'un parti occulte et puissant mettait la main à tout cela, à l'insu de ce conseil et même du maire qui le présidait. J'ai le nôtre, Marie-Antoinette, relation du municipal Gorée, Paris-Perrin. Et nous arrivons ainsi à ce 21 janvier 1793 où, au milieu d'un déploiement de forces armées comme on n'en avait encore jamais vu, dans une ville où, sur 80 000 citoyens réguliers, il n'y en a pas 2 000 voulant la mort du roi, on fait cependant tomber la tête du roi, comme on exécutait déjà symboliquement, depuis plus de 30 ans, dans les loges, le mannequin de Philippe le Bel. Eh bien, mesdames et messieurs, est-ce qu'une conclusion ne s'impose pas après ces faits? Si la révolution, que personne ne confond avec l'évolution, n'est pas le grand mouvement humain auquel beaucoup d'honnêtes gens ont cru et croient encore, si elle n'est pas ce grand fait social provenant naturellement d'intérêts et de besoins profonds, et si au contraire elle n'a jamais été qu'un bluff immense dirigé et lancé contre le christianisme universel, tous nos malaises moraux, toutes nos perturbations se comprennent et s'expliquent. Sinon, ils ne se comprennent pas et ne peuvent sérieusement se déduire de rien. Ou la révolution est un mouvement naturel, providentiel, et le trouble ne peut pas être toujours d'autant plus grand que les progrès des idées révolutionnaires sont plus grands eux-mêmes. Ou la révolution n'est bien que l'artifice et la machination de voleurs qui percent la maison, et le trouble alors se comprend. Tout s'explique et tout s'éclaire, enfin, et ce sera notre dernier mot, nous voyons peut-être aussi maintenant que l'histoire de la révolution est à faire, et que nous ne le savons pas, que nous n'en savons rien. Nous avons donc un devoir tout indiqué, c'est de l'apprendre, d'abord pour le savoir, et pour pouvoir ensuite l'enseigner à la France.